14. La Seconde Guerre mondiale. Au début de la Seconde Guerre mondiale, la plupart des appareils sont motorisés soit par Gnome-et-Rhône, soit par Hispano-Suiza. Devant vous se trouve le 12Y, principal moteur Hispano-Suiza à l'époque. La guerre fut une période sombre pour Gnome-et-Rhône. Après l'invasion allemande, la société dut travailler pour l'occupant. En raison de la résistance qui se mit en place dans les usines, la production passa de 1000 moteurs par mois à une centaine. Lors des combats pour la libération, les usines parisiennes furent en partie détruites par les bombardements alliés. Remarquez à gauche le moteur en étoile de la marque Continental. Ce moteur équipait les chars américains Sherman. Pour maintenir ces usines en activité, Snecma en répara près de 5000.